dans un squat monochrome, comme le fuit notre monde occidental, à la recherche d'autres hommes, tant bien que mal. Buenos Aires, tu n'es pas la seule à pleurer. Je passe, c'est toute la poisse, c'est une corruption qui jaillit en suspens à l'écran. Je dis nous sommes calmes et dignes, seuls mais libres. Remonter le temps à l'aide de simples châles blancs. Rien ne te fera dévier, rien. À toi on te le doit. se rendre à l'évidence. Rentrer à la maison, cramer l'allumette, éclairer l'horizon et retrouver l'essence qui brûle à nos prisons. La valse des fous, le pas des alpés. Danser avec nous, allez, laisse-toi aller. Lorsque tout est trop con, c'est qu'il est temps d'y aller. Viens danser avec nous, allez, viens donc danser. Lorsque tout est trop con, c'est qu'il est temps d'y aller. Viens bouger avec nous, allez, viens donc danser. Lorsque ça tombe pas rond, c'est que tout est carré. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Yeah, and McKay. We are old. We are young. We are America. Oh, oh, quel rock and roll ça avec vous! Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Don't you know? We'll be right back. morceau, c'est Midnight Dub, un morceau qui nous accompagne depuis pas mal d'années dans l'émission Mavrika. C'est un peu le générique sur lequel je présente toutes les émissions. Et il est important quand même de le dire de temps en temps, ce sont les Burning Head, vous savez, le groupe orléanais international hein, qui tournait un peu partout dans le monde. Un groupe que j'adore. Et puis on s'écoutera tout à l'heure un deuxième Burning Head pour la peine. Voilà, aujourd'hui c'est l'émission Mavrika numéro 619. Alors ce soir, j'ai pas d'invité, hein, on va faire comme ça jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que toute l'année, on reçoit dans l'émission Mavrika des invités, des artistes de la région orléanaise et d'ailleurs. Et on est là pour présenter justement tous les artistes qui ont envie de nous faire connaître leur musique et leurs projets. Hein, parce que des fois, il y a des albums, des nouveaux albums, des tournées, des concerts, plein de choses comme ça, des nouveaux clips, etc. Donc, l'émission Mavrika est là pour ça tous les vendredis soirs de 19h. À 22h. Alors depuis le début de l'émission, on a écouté déjà plusieurs artistes de la Mavrika Family, on va dire ça comme ça. Alors le premier, bah, c'était le groupe El Coyote avec Welcome pour commencer l'émission. Donc bienvenue dans l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel. Et le groupe El Coyote qui n'est pas encore venu dans l'émission Mavrika, mais qui ne saurait tarder, hein. Ça sera en 2025, ça j'en suis certain. La date n'est pas encore arrêtée, mais voilà. Le groupe qui a suivi, eux aussi ne sont pas encore venus dans l'émission Mavrika, on a déjà des contacts avec eux, on va caler une date, ils viendront, c'est le groupe Wall, voilà, vous savez, c'est le hibou, la chouette, je ne sais plus exactement, en anglais, Hall, avec la valse des fous. On a écouté aussi un morceau qui date déjà de quelques années, mais qu'on a toujours autant de plaisir à écouter, Summer Chance avec Life is Beautiful, et à l'instant, vous avez sûrement reconnu la voix de Poi, une voix exceptionnelle, hein, il faut bien le dire, et bien particulière, donc on le reconnaît bien, c'était le groupe Elixir avec Another Day, Another Way. En attendant, ce soir, on va continuer dans le même chemin, donc on est ensemble jusqu'à 22h. J'ai plein de morceaux à vous diffuser, je vais essayer d'en diffuser le maximum. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je fais une liste sur le Facebook, vous pouvez retrouver la liste du programme de cette émission avec tous les titres que nous allons diffuser. Et à chaque fois, il y a toujours des artistes qui me disent « Ouais, t'as pas diffusé mon morceau ?» Alors c'est vrai que c'est pas évident de contenter tout le monde, mais on va essayer de faire en sorte de diffuser le maximum de musique. Alors vous inquiétez pas, si ça sera pas dans cette émission, ça sera sûrement dans la suivante. Mais sinon il faudrait avoir vraiment beaucoup beaucoup plus d'heures d'émission. En tout cas, profitez-en au maximum, on arrive au week-end, en plus pour certains c'est déjà les vacances, on arrive à Noël bientôt, donc c'est la dernière émission avant Noël, et il y aura une petite surprise, une chanson de Noël interprétée par le groupe La Jarry. Ils étaient ici il y a quelques semaines, c'était le groupe Skydroll, un super groupe franchement qui envoie du bois. On va écouter un morceau qui s'appelle Burn. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Really? Shadows in the stars, we're in love with her. Humanity won't save us.

J'espère que vous êtes bien installés pour écouter l'émission Mavrika tous les vendredis soirs à partir de 19h et on est ensemble jusqu'à 22h, donc 3 heures de bonne musique. Alors, on en a profité pour écouter les Skydroll avec le morceau Burn. On a écouté aussi un petit souvenir, c'était le groupe 100 Miles, hein, un groupe orléanais qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, et c'était la version Unplugged de Falling Star, un superbe morceau. On prendra le temps dans les prochaines émissions d'écouter la version originale, mais en tout cas Unplugged, c'est bien aussi, avec des instruments acoustiques. Juste après, c'était la voix de Monsieur Arnaud Walden avec une reprise de Iron Maiden. C'était les Iron Trooper avec Speed of Life. Et à l'instant, le groupe Delorto, que j'ai eu l'occasion de voir déjà plusieurs fois en concert, un groupe orléanais, hein, et avec un morceau qui s'appelle le Psyché. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, et on continue avec Accident Instantané et un morceau qui s'appelle Évaporé. Vous êtes bien calé comme il faut. Je déclore mes rêves, évident, subtil, élégance, mortelle. face qu'à la brise. Et pourtant, j'ai le pas si doué sans surprise. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je reviens. Petite entreprise, je l'ai fait. J'ai épousé les bosses, prêché le vrai sur les faux plats, sondé les creux à force de me relever la seule et même pas. Fais face qu'à la brise. Et pourtant, j'ai le temps. Siloué sans surprise. Et serai sous le poids de tes pas de travers. Je m'en remets à quoi si tu remets. We'll be right back. c'est chaud, d'autres préfèrent quand c'est froid. Y'en a quelques laissent le porte à faut que ça envoie. T'aimes pas le disco, t'aimes pas la techno, t'aimes pas très punk, t'aimes pas très punk. Parfaitement d'accord avec Thérèse Électrique, il n'y a rien de mieux que le rock'n'roll. L'émission Mavrika, c'est aussi un endroit où on peut écouter du bon rock'n'roll de la région française. Donc Thérèse Électrique, un groupe de rock français qu'on a reçu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, juste avant c'était le groupe Cominternsect avec Avoir 20 ans. Encore avant c'était un groupe de la région parisienne qui était venu il y a une dizaine d'années ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. C'était le groupe La Vie sur Mars avec un morceau, une nouveauté, hein. Il est sorti cette semaine, j'ai reçu cette semaine, et ça s'appelle Le Palourd. On va continuer avec d'autres artistes. Alors c'est des gens qu'on aime bien et qu'on a déjà diffusé de nombreuses fois ici dans l'émission, et qui ont participé aussi au dernier Mavrika Live. Il s'agit du groupe Sika, et le morceau que je vous propose d'écouter maintenant s'appelle Do Like Me. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, on est ensemble jusqu'à 22h. You're gonna blame it, blame it, blame it on me, but Bon son sur Radio Arc-en-Ciel, ça vous en avez l'habitude, c'est tous les vendredis soirs, les meilleurs groupes de la région passent sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrica. Voilà, on a écouté plusieurs trucs, hein. Ça fait un petit moment que je suis pas intervenu. Priorité à la musique ce soir, on a écouté les Thérèse Electric avec Rock'n'Roll, Sika avec Do Like Me, Bruno Bauer avec Crucify, voilà, on va le dire avec l'accent un petit peu anglais, un petit peu, hein, pas plus que ça. Hein. On a écouté deux morceaux des Burning Head. À la suite, on a écouté Farmageddon et Spirit of 68. Et on a écouté aussi notre ami du groupe Glass Zone, voilà, on va dire comme ça. Donc parce que c'est un projet où Judy est le maître de ce projet-là, mais il se fait accompagner par des musiciens lorsqu'il est en tournée. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Darling. On a écouté aussi le superbe groupe qui s'appelle Benzine, c'est celui qu'on écoute actuellement. Le titre qu'on écoute s'appelle Saturday Night. Alors pour l'instant on est encore vendredi, mais bon, ça sera pour demain. Et juste après, je vous propose d'écouter le groupe Kaisaria, un groupe de l'Est de la France qui un jour viendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils me l'ont promis. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Small Town Boy. Ça doit vous rappeler quelque chose. Can't stop the time clock. Can't stop the tick tock. I can't stop the time clock. Can't stop the tick tock. The clock. I can't stop the time clock. Can't stop the tick tock. I can't stop the time clock. I can't stop the tick tock clock. We'll be right back. Anne Humble, c'est le groupe The Crass Band. Ils étaient chez nous il y a quelques semaines pour présenter justement ce groupe, hein, un groupe qui vient juste de se créer il y a pas très longtemps, et aussitôt ils sont venus dans l'émission Mavrika, parce que dans l'émission Mavrika on reçoit les meilleurs artistes de la région. Juste avant, c'était Sky Oddity avec TikTok Clock, donc un morceau qui est sorti cette semaine, hein. Ils nous l'ont envoyé il y a quelques jours, un groupe que nous avons pas encore reçu dans l'émission Mavrika, mais on aimerait bien, ça ne serait tardé je pense, hein. Et encore avant, il y avait le groupe Caesaria, c'est comme ça que ça se prononce exactement. Et le morceau, c'était Small Town Boys. On continue avec le rock and roll, parce que juste après, c'est le groupe The Gig, un groupe qu'on a reçu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et justement, parce que rock is all we need. Le rock, c'est ce que nous avons besoin. Le groupe The Gig.

mais je crois en un monde après. Puisqu'il s'agit de notre ami Alex Levaille avec I'll Find a Song. Juste avant, c'était une très belle voix, hein, Vince Terranova avec Un Monde Après. Encore avant, c'était Mathis Poulain, un artiste qui est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça fait déjà quelques années, hein. Et on avait commencé cette série musicale par The Gig avec Rock is All You Need. We Need. Voilà, très simplement. Voilà. Juste après, on va écouter un autre artiste qui sera avec nous, normalement, si je me trompe pas, au mois de juin 2025. Il viendra à nouveau dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisque c'est un artiste qui vient de la région du sud, de Bayonne, Biarritz, par là. Il s'agit de Max De Giovanni, et je vous propose d'écouter cette chanson que j'adore, qu'il avait interprétée ici dans les studios. Franchement, on avait vraiment passé un très bon moment avec lui. Il s'agit de la chanson qui s'appelle Une Dernière Fois. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica, et on est ensemble jusqu'à 22h. Seul, chercher sans fin dans la pénombre, caché pour pleurer. C'est une chanson que j'écoute assez souvent et toujours avec autant de plaisir. Il s'agit de Max De Giovanni avec Une Dernière Fois. Et puis Max, on le retrouvera le 13 juin 2025 dans l'émission Mavrica. Il viendra refaire un tour ici et ça nous fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez un projet aussi à nous présenter, n'hésitez pas à nous contacter et puis on programme une émission. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de venir en 2025, mais toutes les dates sont pas arrêtées. Alors, dépêchez-vous de placer vos dates de manière à pouvoir venir faire une émission ici au studio de Radio Arc-en-Ciel à Fleury-les-Aubrais à 5 minutes du centre d'Orléans. On va continuer avec une chanson. Vous savez que bientôt c'est Noël et justement le groupe La Jarry à cette occasion a fait une chanson de Noël et je vous propose d'écouter tout de suite. Ça s'appelle Minuit Chrétien, le groupe La Jarry. Minuit Chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme descendit jusqu'à nous pour effacer la tache originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Yeah. brisé tout en trembe. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre ça sert de se faire plaisir? À quoi ça sert de s'entretenir? Pourquoi faut donc faire des sourires? Moi ces conneries ça fait bien rire. À ce qui paraît qu'une vie bien, c'est une vie avec des gamins, un beau mari, une belle maison et un portefeuille bien rempli. Je dédie ma vie à la connerie. Je veux être bête, je veux être moche. Tout ce que vous dites, moi je m'en fous, parce que je ne suis qu'une cloche. Je dédie ma vie à la connerie. Je veux être bête, je veux être moche. Tout ce que vous dites, moi je m'en fous, parce que je ne suis qu'une cloche. Je vais pas en boîte, je vais pas au bar. Ce qui me plaît à moi, c'est de glander, m'étaler sur mon canapé et finir complètement bourré. Je suis pas sociable, je veux voir personne. De toute façon, les gens sont cons. Je veux pas leur parler, je sais qu'ils m'aiment pas. Alors je vois pas pourquoi je changerais. Je dédie ma vie à la connerie. Je veux être bête, je veux être moche. Tout ce que vous dites, moi je m'en fous, parce que je ne suis qu'une cloche. Je dédie ma vie à la connerie. Je veux être bête, je veux être moche. Tout ce que vous dites, moi je m'en fous, parce que je ne suis qu'une cloche. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Y'a pas de chaleur, y'a pas de folie. Rien ne dépasse, tout est uni. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Dès le début, un grand dadé, avec des clés, s'est interposé. Mon fils, tu n'es pas sur ma liste. Ici, on veut pas d'anarchistes. J'ai profité d'un incident pour me faufiler discrètement. Entre un grand patron, un général et le directeur d'un grand journal. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Y'a pas de chaleur, y'a pas de folie. Rien ne dépasse, tout est uni. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Toutes les fringues étaient immaculées, même les soutanes des curés. Ils avaient les yeux qui leur sortaient de la tête, avec tous ces angelots en nuisette. Au bout de 2 heures, j'en avais soupé. Alors t'imagines l'éternité, surtout qu'en guise de musique, on n'avait droit qu'à des cantiques. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? y a pas de chaleur, y a pas de folie. Rien ne dépasse, tout est uni. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Mais bon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Surtout tout ça, j'y croyais pas. Je dois faire mon mea culpa. Le paradis existe et puis voilà. Soudain, ça s'est vraiment gâté. Un ex-flic m'avait dénoncé. Des soldats en blanc sont arrivés. À ce moment-là, ouf, je me suis réveillé. Heureusement, car qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Y a pas de chaleur, y a pas de folie. Rien ne dépasse, tout est uni. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Chris et Léo au paradis. Juste avant, c'était Claire. Vous connaissez Claire. Elle était venue avec le groupe Deep Turtles. C'est la bassiste. Et elle a aussi un projet à elle. Donc, c'est la première fois qu'on diffuse un de ses morceaux. Et peut-être un jour viendra-t-elle dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter son nouveau projet. En tout cas, moi, je l'ai déjà invité. Et puis, juste à caler une date. Juste avant, c'était Max de Giovanni avec Une dernière fois. Et juste après, ça sera notre artisan chansonnier. Il s'agit de Stéphane Acoustique.

groupe Ombrage sur Radio Arc-en-Ciel avec À part des mondes. Voilà, un groupe qu'on a reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et là, je peux vous dire que la relève est assurée. Ce sont les petits jeunes qui font de la super bonne musique. Et c'est peut-être l'avenir du rock'n'roll, justement. On va continuer avec... j'ai pas présenté la personne qui était juste avant Ombrage. C'était Jamie Sugar avec Au revoir Johnny, une chanson qui avait été créée lors du décès de notre rocker national Johnny Hallyday, et donc ça fait 7 ans déjà, et cette chanson là ça nous fait beaucoup de plaisir de l'écouter. C'était Jamie Sugar. Maintenant on va retrouver le groupe Jash avec la chanteuse qui s'appelle Angie, qui a une voix exceptionnelle, et justement on va écouter une chanson qu'on écoute régulièrement dans l'émission Mavriga qui s'appelle Rosa. C'est le nom de sa grand-mère, donc voilà, c'est un hommage à sa grand-mère. Et justement la version qu'on va écouter juste après, c'est la version Mavrika. C'est un live qu'elle a interprété en direct dans l'émission numéro 591 lors de leur passage ici dans l'émission. Hein. Franchement, c'était un super enregistrement. Alors cette chanson-là, elle existe en français, elle existe en anglais. Et là, vous allez écouter une version où elle chante à la fois en anglais et en français. Alive in my dreams. Oh, Jash avec Rosa, une chanson interprétée en anglais et en français, et à l'instant, voilà, une quelle belle langue quand même, le portugais, hein. Voilà, Joseph César, donc un artiste de la région parisienne qui chante aussi bien en français, en anglais qu'en portugais, la preuve, et le morceau s'appelle Jusqu'à la fin, Até ao Fim. On continue avec Melody Road, un groupe qui a participé au Maverick Alive numéro 12 exactement, si je ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est un groupe que j'adore, et avec une chanteuse qui a une superbe voix. Je vous propose écoutez un morceau qui s'appelle Trouble Mind. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. basics, you're singing a blank shit, and I

chanter, on vient chanter pour s'amuser. C'était en concert la semaine dernière à l'Argonaut. Il s'agit des Will and Guys. Les meilleurs artistes de la région viennent dans l'émission Mavrika et certains se forment même dans l'émission Mavrika. C'est le cas pour ce groupe. Voilà, on écoute de la bonne musique et beaucoup de musique française quand même. Et la plupart des artistes sont de la région orléanaise, donc ça explique pourquoi. Juste après, un grand artiste de la région, justement, on va le laisser finir. Bien lancé. Donc c'était le titre de Will and Guys. Justement, un grand artiste de la région. Il est venu à plusieurs reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et ça me fait vraiment plaisir d'écouter une de ses chansons. Alors celle-là, elle me tient plus à cœur que certaines autres. Et vous allez, si vous écoutez bien les paroles, vous allez voir. Bon, je pense que c'est une heure à laquelle on peut diffuser ce morceau-là sans aucun problème. Il s'agit de Mourad. Et le morceau qu'on va écouter maintenant s'appelle... Comme un ado. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika jusqu'à 22h. Quelques mois, disons surtout depuis qu'il est là, que je ne peux plus te toucher. Pour être clair, qu'on n'a pas baisé. C'est vrai qu'on a un rythme de fou, plus de repères, plus d'horaires. Parler de sexe est devenu tabou. Je rêve d'une personne. Si seulement j'avais pu prédire, je crois que j'aurais dû me retenir. Je me sens un peu comme un ado à le faire au-dessus du lavabo. On se trouve à deux au lit, que je vois l'avantage du répit. Je crois que tu vas m'enlacer. C'est pas facile de tourner. Je finis même par l'envier quand il est pendu à ton sein. Vous avez votre intimité. Accorde l'instant de bain. Si seulement j'avais pu prédire, je crois que j'aurais dû me retenir. Je me sens un peu comme un ado à faire planquer devant un porno. Bien le lâcher, j'aimerais bien aussi le porter. Cet enfant, il ne voit que toi. C'est donc avec son papa. Si seulement j'avais pu prédire, eh bien je craque pour ses sourires. Pas pressé qu'il soit un ado. maman, je suis papa gâteau. Pas pressé qu'il soit un ado. Tellement je suis papa gâteau. Les yeux rouges. un claquement docile. Y'en a qui ont toujours les mains blanches, bourgeois bohème, bien banquier. Mais celle de mon père, en revanche, par le boulot était tachée. Y'en a qui ont souvent la main leste, ils dressent leur progéniture. Mon père disait, les coups je déteste, l'avait pas besoin de jouer les durs. Les mains de mon père savaient tout faire, et de la cave au grenier, il pouvait tout vous réparer. Et quand il avait un moment, sur de grandes feuilles de papier blanc, il vous baignait toutes les couleurs du temps. Y'en a donc souvent les mains trempes dans des entreprises funestes. Mon père était d'une autre trempe, c'est du point levé de la conteste. Et y'en a qui ont toujours les mains sales, ils changent d'idée avec le vent. Pour mon père, c'était impensable de vendre son âme pour de l'argent. Les mains de mon père savaient tout faire, et de la cave au grenier, il pouvait tout vous réparer. Et quand il avait un moment, sur de grandes feuilles de papier blanc, il vous peignait toutes les couleurs du temps. Y'en a qui ont toujours les mains blanches, et le turban, ça leur fait peur. Mon père avait une main franche, rêche et solide de travailleur. Y'en a qui ont les mains baladeuses, ils sont vulgaires et c'est comme ça. Mon père ne courait pas la gueuse, ma mère suffisait à son bras. Les mains de mon père savaient tout faire, et de la cave au grenier, il pouvait tout vous réparer. Et quand il avait un moment, sur de grandes feuilles de papier blanc, il vous peignait toutes les couleurs du temps. Y'en a qui ont des mains de petits vieux, lorsque vient l'heure de s'en aller. Mon père a rejoint ses aïeux, digne jusqu'au moment dernier. Et quand sur son lit d'hôpital, en l'embrassant, j'ai pris ses mains, tu vois, ce fut phénoménal. Elles étaient blanches comme la couleur du temps. Ça, c'est super puissant. C'est le son, les enfants de Panurge avec Ainsi va le monde. Juste avant, c'était beaucoup plus calme, hein, avec la bande à Pierrot, les mains de mon père. Et encore avant, c'était Jartel. D'ailleurs, le chanteur de Jartel, c'est le même que celui des enfants de Panurge. Jartel avec les yeux rouges. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Dans l'émission Mavrika, on est ensemble encore pour quelques minutes, hein. C'est vrai que le temps passe très très vite. 3 heures, c'est passé, hein. Il va falloir qu'on rallonge les heures, ou alors il va falloir faire quelque chose. En tout cas, on n'aura pas pas le temps de passer tous les morceaux que j'avais prévus, mais on va encore écouter de bons morceaux. Restez avec nous. Justement, on va écouter un groupe qui s'appelle The Happy Go Lucky Band. Voilà, c'est un petit peu difficile à dire, c'est pour ça que je me suis tourné vers l'ordinateur pour le lire, pour pas écorcher le nom. Et le morceau que je vous propose d'écouter, c'est Red Clay Halo. J'espère que j'ai bien prononcé. En tout cas, on va l'écouter. Ça sera beaucoup mieux sur Radio Arc-en-Ciel. Aussi agréable à écouter The Uncle Biker avec Hey Mama. Juste après, on va écouter Red Daff avec Jesset Boogie et on se quittera avec une version Mavrika de La Jarry. Il l'avait chanté il y a quelques années, justement pour Noël. Et justement, on terminera cette émission avec ce morceau. C'était l'édition numéro 619. Hein, voilà, le temps passe très vite. Ça fait bientôt 15 ans qu'on fait cette émission Mavrika et on espère continuer encore très longtemps. En tout cas, on a besoin de vraiment être derrière les artistes de la région orléanaise. Il faut vraiment soutenir les artistes locaux et c'est un petit peu ça la mission de l'émission Mavrika. Voilà, on va dire les phrases magiques: que le rock and roll soit avec vous, une vie sans musique serait une erreur, et puis everything is gonna be alright. Voilà, cette émission se termine. Je vous souhaite à tous un très bon Noël et puis on se retrouve la semaine prochaine pour encore une émission où on diffusera le maximum de musique possible, le maximum de bonne musique. C'est sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. En tout cas, on écoute tout de suite Red Daff avec Jesset Boogie et on terminera avec La Jarry. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et ne quittez pas, derrière il y aura d'autres animateurs qui font chacun leur émission à leur style, et Radio Arc-en-Ciel c'est vraiment une radio qu'il faut soutenir. J'ai cette bougie, à mon sens. Arrange tes compromis, ta justice, ses rondeurs. Tu vis dans tes palaces, tes bureaux, aux classes à faire. Tu tapes dans toutes tes caisses ton boulot, c'est cancer, alors profite. L'émission Mavrika est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et surtout un bon Noël. Profitez-en. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et sur www.radio-arc-en-ciel. N'hésitez pas à aller voir le petit Facebook de l'émission Mavrika, mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et mettre aussi vos commentaires si vous aimez les artistes, il faut vraiment le dire. Et puis, commencez aussi à voir pour programmer votre émission avec votre projet dans le courant de l'année 2025. Voilà, cette émission est terminée. À très bientôt. Allez, ciao. et c'est un peu à cause de moi. Oui, c'est un peu à cause de moi. Mon petit papa Noël. Arc-en-ciel, les bons plans sortent. Musique locale, c'est sur le 96.2 FM. A segurança e integridade física dos polícias e a segurança e integridade física de todos os intervenientes no local, nomeadamente de terceiros e dos próprios cidadãos que se encontram no local, para detectar a possibilidade de terem armas no local, tendo em conta que o contexto da operação era esse mesmo. A polícia, na voz do comandante que gere a área metropolitana de Lisboa, diz que não recebeu ordens do governo para atuar de determinada forma e rejeita as acusações de preconceito. Isso acaba